Ça peut être l'occasion, là, parce que le temps nous est compté, de justement de rebondir sur Hélène, peut-être sur C'est plutôt avec Louisette et puis avec les personnes qui, à l'époque, ont été voilà, ont été impliquées dans ce qui a été finalement l'une des premières et peut-être principales, point d'interrogation, action du MAI, donc du mouvement audiovisuel indépendant. Donc cette action contre le dépôt légal des images animées. Donc Alain le rappelait tout à l'heure, effectivement c'était perçu comme une censure économique de fait, hein, puisque la copie devait être payée par le producteur, l'éditeur ou le diffuseur. Or, ben, justement, ces bandes vidéo, parfois elles circulaient, ben, justement un exemplaire unique finalement, hein, ou quasi unique. Et puis, donc ça c'était insupportable de faire don, ça c'est dans le communiqué de presse, au pouvoir public d'une copie d'un produit audiovisuel, parce que c'était financièrement extrêmement lourd, c'était vraiment une pression, quoi. Et puis c'était perçu aussi comme une censure politique déguisée, les termes apparaissent, mais je vais laisser la parole justement à Louisette. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment c'était perçu du côté donc des vidéastes et cinéastes militants? Et puis on donnera évidemment ensuite la parole à la salle là, pour qu'il y ait un moment d'échange. Donc il y a eu toute une campagne là-dessus. Il y avait effectivement des gens qui soulignaient plus l'idée que ça allait permettre de préserver les œuvres. Mais pour l'essentiel, l'idée c'était donc en fait de le dénoncer et de mener une campagne donc en demandant aux gens de ne pas renvoyer les imprimés, et en faisant donc une campagne qui était répercutée aussi par la presse, hein, à l'époque, hein, puisqu'il y a eu donc cette conférence de presse sur la base des arguments qui ont déjà été en partie évoqués, donc l'argument économique, l'argument de l'utilisation ultérieure des copies avec la méfiance à l'égard de l'INA qui a été soulignée là, et puis la disparité de traitement entre le cinéma et la vidéo, et surtout donc la question du contrôle, en fait, hein, puisque l'idée c'était que il y avait un contrôle permanent qui était exercé par l'agent de régie du dépôt légal, et que donc on avait le sentiment que ça permettrait en fait aux organismes officiels de devenir des espèces d'officines à renseignement, non seulement sur les documents en question, mais sur le mouvement social. Donc il y avait cette inquiétude, quoi. Et donc là, il y a eu une campagne pour laquelle il y a eu une intervention de la commission juridique, donc ça a été une des activités importantes. Et après, il y a eu aussi la volonté de chercher des alliés, quoi, dans cette campagne, à la fois du côté de la CID, mais aussi d'autres partenaires professionnels, quoi. Voilà. Et donc, et de demander aussi l'abrogation du décret, du fameux décret. Et les journaux ont été nombreux. Alors, les journaux ont relayé. Ont beaucoup relayé cette info. Hein, je voyais que Le Monde avait publié. Je ne sais pas si c'est partiellement ou en totalité le communiqué de presse. Libération, Rouge, ça c'est moins surprenant évidemment. Le Peuple Breton, et puis des revues de cinéma, Écran bien sûr, la revue du cinéma, Média, cinéma politique évidemment. Donc ça a été quand même très très bien. Relayé comme position. Oh, hein. Est-ce que vous avez souvenir, France Calas, de. J'imagine que, ne serait-ce qu'à travers peut-être l'Argus de la presse, les revues de presse ou la lecture du Monde, etc., il y avait forcément quelque chose qui revenait de ça, même s'il n'y a pas eu de rencontre directe, et qu'est-ce que ça nourrissait comme réflexion chez vous, mais aussi à des niveaux. Au niveau de l'administrateur général, etc., à la Bibliothèque nationale, est-ce que ça engendrait l'administrateur général, des retours? Vraiment, le débat est complètement biaisé par le fait que c'était l'INA qui avait la délégation de fait de ce dépôt légal. Et il y a eu. En fait, c'est ça. Et donc, la Bibliothèque nationale, d'une certaine façon, faisait partie de ceux qui luttaient contre l'INA. Quand je suis arrivée, vraiment l'ennemi, si je puis dire, entre guillemets, c'était l'INA. C'était incontestable. Donc il y avait une convergence des intérêts. Et donc cet argument a aidé, il y en a eu d'autres, et ça a été très long, à faire que la Bibliothèque nationale reprenne directement l'enjeu du dépôt légal. Il a fallu convaincre que c'est parce que c'était à l'INA que ça ne pouvait pas marcher, et qu'avec l'ABN ça marcherait. Mais par contre, le, tous les articles de presse, oui, je les ai, parce que je les ai retrouvés dans mes propres archives. J'avais oublié. Par contre, on pouvait aussi considérer, ce que certains faisaient, le dépôt légal comme une protection, une espèce, non seulement pas uniquement conservatoire, mais le fait que si vous étiez piraté ou contrefait, il y avait une preuve d'antériorité. Et ça jouait très souvent ce rôle, et même comme argument. Alors, moi, je suis désolée, parce que ceux qui l'ont utilisé comme tel, c'est ce Robert Forisson, qui est venu défaire son dépôt légal directement avec sa vidéo sur le négationnisme. On l'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Alors, lui, il avait certainement d'autres copies. Je veux dire, c'est ça qui est un peu triste, c'est-à-dire... 78. 1978, c'est tout au grand moment, c'est au moment du négationnisme. Oui, parce que c'est encore Garaudy dans ce cas. 78. Oui, c'est plus tard. C'est ce que j'ai retrouvé dans les papiers, mais peut-être que j'ai marqué à vérifier. j'ai marqué à vérifier, c'est plus tard. D'accord. Enfin bon, le principe c'est le même, c'est-à-dire que le dépôt légal peut aussi servir autrement à autre chose qu'à une crainte. Il sert aussi le déposant, il donne une publicité à ses productions si on le souhaite, puisqu'on avait une base de données à l'époque. On a même eu une base de données, quelque chose, comme la Bibliothèque nationale développait un schéma directeur qui n'était pas forcément, n'englobait pas les départements spécialisés. Nous avons une certaine liberté à développer une base de données. Je dis « on » parce que je regarde beaucoup Elisabeth qui a beaucoup œuvré pour cette base, et qui a utilisé un logiciel et qui texto et qui a été accessible par Minitel. Donc personne ne sait ça, mais que la Bibliothèque nationale était à un stand au MIDEM où présentait sa base de données qui s'appelait l'EDA, lecture encyclopédique de données audiovisuelles. Avec un code d'accès, c'était l'EDA, code 3615, code l'EDA. Le Minitel après, forcément, parce que Minitel c'est 84, je crois, mais vous aviez une version. Mais on est les pionniers, mon cher Alain. 84. Ah non, mais ça, j'en ai pas, mais j'ai besoin de rétablir la chronologie. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on publie. Et donc, cette base de données recensait à la fois les phonogrammes et les vidéogrammes. Donc, c'était vraiment pour tout public. Donc, c'est aussi un avantage pour le déposant. Et ça, on n'a pas vanté tous ces avantages, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses à faire à cette époque-là, et qu'effectivement, la lutte contre l'INA, qui a failli reprendre le dépôt légal et commercialiser, c'est quelque chose pour lequel on s'était battu et nos prédécesseurs, nous a quand même mobilisés, je dois dire. Des questions Je voudrais faire un petit point sur les questions. Pour avoir fait la transcription de toute la saison dernière, il y a un problème pour les intervenants. Donnez votre nom. S'ils veulent rester anonymes, ils ont le droit. Mais j'avoue que j'ai eu d'énormes problèmes. Quelques personnes, je les reconnaissais à la voix, je les connaissais, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas pu identifier, qui sont intervenants et intervenantes. Voilà, alors ce serait bien que vous vous nommiez. Que chacun se présente. Voilà, pour l'histoire. Voilà, sauf si vous tenez à l'anonymat, nommez-vous. Donc moi, je m'appelle Petrov. Et donc j'étais dans les années 70, donc à Paris, étudiant. Et ce que je voudrais dire, la remarque que je voudrais faire, c'était que vous n'oubliez pas, parce que vous en parlez tout le temps. Et le contexte de l'époque était quand même très dur. Je veux dire, la police, par exemple, moi j'avais des cheveux longs. Et je me faisais arrêter systématiquement. Je ne pouvais pas me promener en mobylette ni quoi que ce soit sans avoir des ennuis. Et je n'étais pas un immigré non plus, parce que pour les immigrés et tout, c'était quand même une période terrible. Donc tous les militants et toutes ces personnes dont on parle ici, et on retrouve grâce au dépôt légal ou à d'autres sources des images qui sont intéressantes aujourd'hui, mais à l'époque, on avait une méfiance absolue avec le dépôt légal. C'est une évidence, c'est total. Et moi, j'ai fait des petites revues comme ça pour m'amuser. Mais quand j'allais déposer pour des publications au dépôt légal qui se trouvait au palais de justice, je ne me rappelle même pas si c'est qui est des orfèvres ou ailleurs, je peux vous dire qu'on y allait à reculons. et c'était évident que c'était fliqué. C'était inévident. Donc voilà, ça il faut le... Alors après, pour tout ce qui est audiovisuel et la vidéo, avec Gilles aussi on a fait de la vidéo, on a participé à ça, mais sans beaucoup d'audience ni quoi que ce soit. Nous, on était plutôt du côté de l'art et mort, un petit peu, c'était plutôt ça. Des artistes qui ne voulaient pas plonger dans le monde de l'art. Mais donc on n'avait pas connaissance. Moi, je n'avais pas du tout connaissance de ça. Il n'y avait pas d'obligation à l'époque. En tout cas, là où nous, on était effectifs, c'est-à-dire, oui, on a débuté en 70 jusqu'en 76. Mais le dépôt légal en 74, 75, parce que vous évoquiez, on n'en avait aucune idée, on ne connaissait pas. Moi, je voulais faire un témoignage parce que... Thierry Noël, Mais moi, je me reconnais. Donc, tu vas faire la saison 2 aussi. Super, merci Thierry. On verra. Tu vas la transcrire aussi. Oui, donc j'ai travaillé dans des centres d'action culturelle, donc Frémin-Merlebach, Annecy, et puis après une production indépendante. D'abord, il y a une chose qu'on n'a jamais évoquée, c'est que le mot vidéogramme, je pense aussi peut-être à jouer sur un refus du dépôt. Ça, c'est peut-être des luttes internes de lexicologie qu'on dit à l'intérieur un peu du champ culturel. Mais disons que le mot vidéogramme était associé à tout ce qui était pédago, socio-cu, etc. Et un peu du point de vue peut-être un petit peu aristocratique du culturel, on essayait nous de faire des films. Et le fait qu'on nous demande un vidéogramme ne nous concernait pas. Je pousse un peu le bouchon, mais c'est un peu un mot... où on considérait qu'on ne nous prenait pas en compte et peut-être même qu'on nous dévalorisait en nous demandant des vidéogrammes. Je pense que c'est un élément important. Je vous remercie d'avoir parlé de films de création, mais malheureusement dans le culturel, les films de création c'était les films des artistes et la vidéo-art. Et à chaque fois on n'était pas dans la bonne case. Donc c'est quelque chose qui je pense a pu jouer. Pour ce refus. L'autre chose, c'est effectivement qu'on produisait en toute petite quantité, même si, par exemple, à Annecy, il y avait quand même, par rapport à d'autres, beaucoup d'argent, on était considérés comme des riches, mais en ce qui me concerne, j'ai produit une quarantaine, une cinquantaine de films, je pense que ça représente 300, 400, peut-être cassettes aussi de rush, et envisager un dépôt qu'on envisage maintenant, très sérieusement, 40 ans après, et avec le plaisir que les choses soit encore, existe encore, donc on n'était pas en IVC 1 pouce, mais en demi-pouce, noir et blanc ou 3 quarts, on hésitait quand même à déposer pour des questions soit budgétaires, soit même, la dernière raison, on était en région. Et c'est vrai que pour moi s'est posé aussi dernièrement la question de où déposer pour un fonds qui a été entièrement produit dans une région et où l'aspect régional est très important, même si on a reçu... Kazuo Ono, le danseur japonais, De Oliveira, Van der Keuken, enfin bon, des vedettes, on va dire, internationales. L'essentiel du fonds est régional. Et le fait de déposer à Paris, dernier élément, pose problème. C'est-à-dire qu'on était aussi fondamentalement, peut-être pas régionaliste, mais très attaché à nos régions. On travaillait avec des populations régionales. Et on estimait aussi que déposer à Paris, c'était aussi encore une frontière. Voilà, donc ça fait quatre éléments qui maintenant un peu de séparation avec ça qui semble en ce moment tomber, et je pense qu'effectivement l'idée quand même de la conservation de nos œuvres est en train de l'emporter. Et de la communication. Œuvre, tu dis œuvre. Non, c'est très intéressant parce que dans ton discours, on sent le retour de l'auteur, si j'ose dire, aussi. C'est pour ça que. Je fais exprès, je lance le pavé, mais je vous laisse. Pierre Muller, ex-responsable de la vidéo et du cinéma à la Maison de la Culture d'Orléans. À l'époque, on était quand même relativement un acteur important dans le monde de la vidéo d'intervention sociale. Et je voudrais nuancer ce que dit mon ancien collègue. Il dit on, comme si on était, comme si on formait un front uni avec des motivations qui étaient toutes les mêmes. Je crois que c'était quand même beaucoup plus disparate que ça. Bon, on n'était pas si nombreux. Mais je me rapprocherais plutôt de la position de monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on faisait de la vidéo d'intervention sociale. On était un peu le ver dans le fruit dans l'institution culturelle. Et c'est vrai que le fait que ce soit l'INA qui soit chargée du dépôt, la bibliothèque passait quand même largement inaperçue là-dedans. C'était, et dans le contexte tendu dont on parlait précédemment, ça a quand même été, en tout cas pour nous à Orléans, une des principales motivations de refuser le dépôt. En plus, moi j'avais la double casquette cinéma et vidéo. Je m'occupais d'un festival de cinéma avec Jaïne Bazin, et je me souviens encore de Jaïne Bazin me racontant quand elle voulait relancer Cinéaste de notre temps, qu'elle allait chercher des copies à l'INA, qu'on lui disait non, on l'a pas, elle se retourne et sur le radiateur, l'histoire est connue, elle retrouve la copie de Cinéaste de notre temps, dont on lui disait qu'elle n'avait pas été déposée. Donc un, l'INA c'était l'ennemi, l'INA c'était la télévision, on se battait contre la télévision. L'INA, c'était l'État. On avait des relations très, très difficiles avec tout ce qui était l'État, même si paradoxalement, on travaillait dans une institution culturelle en partie financée par l'État. Donc, l'INA, c'était un soi-disant partenaire avec lequel les relations étaient extrêmement difficiles. C'est-à-dire, c'était les gens dont c'était aussi les mêmes gens qui disaient qu'il n'y avait pas de signal quand on leur montrait de la vidéo mi-pouce. C'était aussi les gens qui, quand ça s'est un peu amélioré et qu'on a commencé à pouvoir envisager des coproductions avec l'INA, valorisaient très cher une intervention en moyens techniques, mais jamais d'argent, et qui tiraient ensuite toute la couverture à eux si le produit est diffusable. Toutes ces raisons faisaient qu'il était hors de question pour nous d'envisager même une seconde de déposer quoi que ce soit. En plus de tout ce que vous avez dit, la commercialisation, le risque d'intégration d'extraits à d'autres œuvres sur lesquelles on n'aurait pas de contrôle. Donc je pense que cet aspect-là était quand même très très important dans notre refus du dépôt. Mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas non plus négliger le fait que la situation politique, même en 77, elle était encore très très tendue. Et que, de toute façon, même si ça avait été la Bibliothèque nationale en direct et pas l'INA, à cette époque-là, on n'aurait pas davantage déposé. C'est clair. Je réponds juste sur l'auteur. Je reviendrai sur la question du rapport aux télévisions. Parce que je pense que c'est fondamental. À la télévision. La question de l'auteur est aussi une question problématique. Dans les travaux qu'on a faits, parce qu'il y a, enfin j'en parlerai justement le 10 mars, il y a une conception du travail collectif, mais un collectif autour des films, et où il y a des auteurs multiples, et donc c'est pas une défense d'un auteur individuel, mais c'est une défense de ma place à l'époque en tant que réalisateur et auteur, mais en partie sur des projets où on partageait aussi l'écriture, où on partageait le montage, et on partageait la signature de l'œuvre, qui quelquefois était extrêmement floue, ou quelquefois extrêmement claire, ou extrêmement collective. Donc c'est pas non plus, quand je dis œuvre, la revendication de mes œuvres, parce que justement Annecy, et ça peut être un des problèmes au moment du dépôt, c'est qui est l'ayant droit de cette œuvre. Ça va poser des questions intéressantes. Alors oui, aussi sur la question donc du rapport à la télévision, il me semble que c'est un point sur lequel on va revenir, et pas seulement, à mon sens, dans le cadre de la séance qui portera sur le rapport à l'ORTF et puis à l'INA. Effectivement, dans les textes de l'époque, on voit bien que les praticiens, praticiennes de l'audiovisuel d'intervention mettent en évidence que les chaînes de télévision n'acceptent pas de diffuser leur production, mais qu'en même temps, eux-mêmes, finalement, probablement, ne le souhaitent pas. C'est, voilà, il y a cette double position, à mon avis, sur laquelle il faudra revenir. Mais Carole Roussopoulos, avec Videout, et Paul Roussopoulos vont quand même, auprès de Pierre Schaeffer, présenter un certain nombre de bandes. On leur dit, effectivement, mais ça n'encaisse pas le signal ne passe pas, il n'y a pas de signal, etc. Et on voit quand même que les bandes aussi sont refusées sous prétexte d'amateurisme. En fait, finalement, la technologie au service de censure peut-être politique. Enfin, c'était l'hypothèse évidemment avancée. Mais il y avait aussi cette idée quand même que la vidéo, en l'occurrence, était un média de groupe. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faudra, une chose sur laquelle il faudra revenir, quoi. Cette idée que c'est un média de groupe, c'est-à-dire que ces vidéos, elles ont un sens produites et diffusées par le groupe qui les a portées. Et que ça concerne les gens qui sont impliqués dans ces bandes et par ces bandes, et que finalement ça va pas forcément viser précisément un grand public. Donc il me semble qu'on retrouve ces débats-là et sur lesquels il faudra revenir à l'époque. Cela dit, et ça, on n'a pas eu l'occasion vraiment de revenir pour l'instant mais sur ce point, mais on en reparlera. Quand on lit les textes de la Fédération que je citais tout à l'heure, la Fédération de l'audiovisuel indépendant qui prend la suite du MAI, qui est créée en septembre 1981. Alors là, on retrouve une revendication, une tentative de lobbying finalement pour intégrer les télés, qui est quand même très forte. Et c'est pourtant porté par des gens qui ont, pour certains, été des militants de l'audiovisuel d'intervention et d'autres qui ne partageront pas ces positions-là. Mais là, au sein de cette fédération, on va retrouver les plus institutionnels avec des modalités très très différentes hein, dans le rapport à l'institution, et puis des militants quand même, et puis certains qui n'y seront pas du tout, mais qui, par exemple, Videout, désolé de reprendre cet exemple, ne sera pas présent dans ces rencontres, mais concrètement, Videout deviendra une SARL en 1984. Donc ça n'empêche pas après un glissement très clair et un ancrage complètement professionnel, de même que, pour prendre l'exemple de l'audiovisuel féministe, d'intervention féministe, certaines personnes qui avaient fondé le collectif Vidéa, notamment Anne-Marie Faure, dont on a parlé la saison dernière, eh bien certaines d'entre elles vont créer Spoon qui sera... aussi une SARL. Donc il y a comme ça quand même un glissement, à mon avis, très important à mettre en évidence. Donc cette question du rapport avec la télévision va quand même se reconfigurer beaucoup, me semble-t-il, dans les années 80, pour les personnes qui deviennent finalement des professionnels effectivement de l'audiovisuel revendiqués, parce qu'avant, ils ne le revendiquaient pas forcément, même si finalement il y avait déjà un rapport pour certains très professionnels à l'image. C'était un peu le professionnalisme, c'était un peu ce qui allait être une entrave à la militance, qui était pour certains en tout cas quelque chose qui pouvait faire peur. Et bien après, finalement, on y va de plein pied, quoi. On y entre de plein pied. Je pense qu'il faudra qu'on reparle de ça la fois prochaine. Le matériel qu'on a évoqué tout à l'heure, oui, aussi pousser les gens vers une forme de... Absolument. Récupération économique, parce que le matériel devient tout d'un coup, redevient très cher. Ben, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, dont elle est la déléguée générale, est justement probablement l'un des meilleurs exemples. C'est-à-dire qu'à un moment, mais ça c'est ce que disait aussi Carole Roussopoulos, pour acheter un banc de montage, des caméras de tournage et un banc de montage humatique, c'était plus possible de le faire à titre personnel ou au niveau des coupes ou des petits groupes. Comment ? C'est plus à l'exemple de Vidéo à Vous. Bon, on va. C'est une des fois que je reconnais. On va devoir ça réagit. C'est vraiment pas l'histoire de la vidéo Monique en tant que telle. Oui, c'est vraiment pas l'histoire de la vidéo en tant que telle. Je crois que, enfin, moi, à l'époque, je faisais partie d'une coopérative dans le théâtre. On a tous vu. Et 84-86, c'est vraiment un moment charnière. C'est le moment où on a tout basculé. Et on a commencé à se poser des problèmes en 82, c'est-à-dire au moment de la rigueur, au moment où tout à coup le rapport avec les ministères, tel qu'on pouvait les envisager, on s'est dit non. Et en 84, on a pratiquement transformé notre coopérative, et tout en gardant du modèle coopératif à l'intérieur d'une structure plus traditionnelle comme la SRL. En 84-86, c'est l'arrivée de Chirac. Juste une petite remarque sur l'intervention de Louisette, c'est que c'est la première fois moi que j'entends parler de la Fédération européenne du cinéma progressiste, alors que quand même on tournait dans ces lieux-là, c'est-à-dire que les galaxies ne se rencontraient pas. Et bon, c'était très sur le cinéma quand même, mais le fait qu'on et je crois que Pierre non plus. C'est pas très étonnant parce que, à part peut-être moi qui étais un peu schizophrène en ayant les deux casquettes, cinéma et vidéo, dans la culture, sinon, quand on était dans une institution culturelle, là j'anticipe un peu sur d'autres souvent, quand on représentait la vidéo dans l'institution culturelle, on avait plusieurs ennemis à l'intérieur. On avait d'abord les directeurs, qui étaient des gens qui venaient du théâtre, qui regardaient ça dans un mauvais œil. Mais quand le cinéma et la vidéo n'étaient pas sous la responsabilité d'une seule et même personne, il y avait souvent aussi un antagonisme et des luttes de pouvoir entre les gens du cinéma. Et c'était très, très clair à l'intérieur de la SACEA, qui était l'association qui, à l'intérieur de la société culturelle, réunissait des animateurs cinéma et audiovisuel. C'était pas le même monde, même si on se parlait, c'était souvent quand même des discussions très tendues, très houleuses. Donc c'est pas tellement étonnant qu'il y ait eu d'un côté une fédération du cinéma indépendant qui ait vécu sa vie, puisque à La Rochelle à l'époque c'était quelqu'un qui s'appelait Dominique Fournier qui s'occupait du cinéma, qui s'est jamais intéressé à la vidéo de sa vie. Pourtant, on se rencontrait tous les mois, on discutait, mais voilà, ça ne... Et je trouve très intéressant ce que imperméable. Vous avez dit sur le fait que la vidéo ne trouvait pas sa place moment de... ce qui permet d'avoir lu l'année dernière, ça a été la même situation, je crois, à Rennes, par rapport aux cinéastes militants de cinéma, qui, avec qui le rapport avec les gens de vidéo a été très compliqué et ne trouvaient pas leur place. Et je crois que ça, bon, ça va courir cette année parce que c'est justement des univers qui se fréquentent parce qu'ils sont quelquefois dans les mêmes lieux, mais qui ne sont pas dans les mêmes orbites, pas du tout, les planètes ne se rencontrent pas. Et ça, très bien. Bon, le carnet de recherche, une fois de plus, quand il sera bien en marche, sera l'occasion de mettre en ligne aussi des archives. Et dans les archives, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qui faisait partie de la première Assemblée Générale, par exemple, du MEI, qui faisait partie de la FECIP, etc., qui représentait, qui était au sein du bureau, etc. Donc effectivement, on voit un peu l'histoire des groupes, elle est elle-même très très variable, évidemment, et elle mérite d'être tracée. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui et on vous donne rendez-vous donc la prochaine fois, le lundi 16 décembre, autour d'une séance qui concernera les rapports entre vidéo et organisation ouvrière. Et je pense qu'on refera un petit chapeau sur cette question 68-81 parce que ces dates à un moment donné sont quand même parlantes et puis peut-être 84-86 en complément. Et on reviendra, je pense, un petit peu quand même sur le MEI et la Fédération de l'audiovisuel indépendant pour le contexte français, qui nous apporteront, ces éléments nous apporteront nous permettront de recontextualiser aussi à nouveau ces enjeux-là. Je pense que ce sera nécessaire. J'ajoute une chose, parce que je ne l'ai pas dit bien clairement, les BNF Archives et Manuscrits, donc le catalogue des inventaires d'archives, de fonds d'archives, c'est à l'adresse http archives et manuscrits avec un S aussi à la fin .bnf.fr. Un grand merci à nos deux invités encore et puis pour les personnes qui souhaitent venir se joindre à nous pour manger, vous êtes les bienvenus. On va dans un bistrot.